Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons commencer par un sujet chaud, piquant et qui se mange. Il s'agit des piments forts. Pourquoi ça pique un piment en fait? Eh bien Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, va tout nous expliquer. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. En fait Jean-Daniel, donc t'as décidé de rompre avec la froidure en nous faisant goûter à la cuisine mexicaine et plus particulièrement avec ce piment fort, là, cet ingrédient fort de la cuisine mexicaine. Exactement, j'ai essayé un peu de réchauffer l'atmosphère avec les piments forts. Et quand on parle de piments, ben, il ne faut pas confondre les piments avec les poivrons, hein, qu'on appelle souvent au Québec, qu'on dénomme souvent au Québec des piments. En fait, les piments et les poivrons, ce sont deux fruits d'une plante du même genre qu'on appelle capsicum. C'est en quelque sorte des cousins de la tomate et de la plante du tabac. Donc, un peu comme la tomate, les poivrons, ce sont des fruits. Hein. Même si on les classe dans les légumes, à la base, ce sont des fruits. Donc, dans le genre capsicum, il y a plusieurs espèces différentes, dont certains poivrons doux et dont d'autres des piments très, très piquants. Oui, alors justement, pourquoi les piments forts piquent et pas les poivrons? Mais c'est à cause, Valérie, d'une petite molécule très simple, la capsaïcine. C'est principalement à cause de elle, la capsaïcine. Mm-hmm. Et elle, on la retrouve uniquement dans les piments forts. Donc, la capsaïcine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle lie un récepteur du chaud, un récepteur qu'on appelle TRPV1, qui est présent à la surface des cellules de notre langue. C'est un récepteur qu'on a isolé pour la première fois en 1997 et qui est responsable en bonne partie du goût du chaud. Mm-hmm. Donc, ce récepteur-là s'active à plus de 44 degrés Celsius et aussi sous l'effet de certains produits acides. Donc, ça explique que l'acide, ça brûle un peu sur la langue, par exemple le vinaigre. Donc, à la base, la capsaïcine, c'est un produit qui sert à protéger les fruits de la plante des envahisseurs en leur donnant une sensation de brûlure. Mm-hmm. Donc, bonne stratégie. Exact. Donc, l'animal pense qu'il est en train de se brûler, alors il sauve tout de suite et il laisse la plante tranquille. Et d'ailleurs, on retrouve une grande quantité de la capsaïcine autour des graines. Donc, la plante protège ses enfants grâce à la capsaïcine. Mm-hmm. Donc, l'humain, nous, on s'en sert aussi pour se protéger de la capsaïcine. On en retrouve en grande quantité dans le poivre de Cayenne, par exemple. Donc, c'est le principal ingrédient actif qui entraîne les pleurs incontrôlées et les difficultés respiratoires chez les humains en cas de défense avec le poivre de Cayenne. Mm-hmm. Donc, même pur, la capsaïcine, c'est extrêmement dangereux, Valérie. Ça peut même causer un arrêt respiratoire. Carrément. C'est très puissant. D'accord. Donc, à ce moment-là, aide-moi à comprendre, Jean-Daniel, pourquoi est-ce qu'on voudrait se donner du mal, cette sensation de brûlure comme ça? Est-ce que l'humain est masochiste à ce point-là? Peut-être un peu, Valérie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la capsaïcine va entraîner la production d'adrénaline et de noradrénaline. Donc, ces molécules-là vont produire dans le cerveau une sensation euphorique et de bien-être, ce qui explique un peu la réputation d'hallucinogène qu'ont certains piments. Tu as peut-être déjà vu, ou les auditeurs ont peut-être déjà vu un épisode des Simpsons où Homer, dans un voyage surréaliste, le cherche à retrouver Marge après avoir consommé un piment. Donc, il y aura un peu de vrai dans tout ça, si on veut. Il y a aussi un effet coupe-faim, Valérie, à la capsaïcine. Ça empêche, entre autres, d'abuser des plats mexicains sur une belle terrasse par un après-midi d'été, par exemple. Ça va arriver, soyons patients. Ça va arriver. Et bien, finalement aussi, faut savoir que quand il fait chaud, un autre avantage de la capsaïcine, c'est qu'elle fait suer la capsaïcine. Souvent, on mange très piquant, les yeux nous coulent, le nez nous coule aussi. Donc, on perd beaucoup d'eau, ce qui nous aide à évacuer de la chaleur. Donc, c'est pas nécessairement l'idéal par ces temps-ci, mais l'été, c'est très pratique. Ouais. Et tous les piments et toutes les sauces, ils sont quand même pas tous égaux. Il y en a qui piquent plus ou moins. Oui. Est-ce qu'on peut mesurer ceux qui piquent pas beaucoup, ceux qui piquent plus? Il y a une mesure scientifique du piquant des piments, Valérie. Dis-nous ça. Oui, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Scoville. En fait, l'échelle de Scoville, c'est un chiffre qui représente le nombre de fois qu'on doit diluer un extrait de piment séché dans de l'eau sucrée. Donc, on dilue cet extrait-là dans de l'eau sucrée jusqu'à ce que le piment ne goûte plus. Donc, pour vous donner un exemple, pour comprendre. Jusqu'à ce qu'on goûte plus le piquant. Exactement. Donc, un exemple, c'est le jalapeno. Ouais. Le jalapeno, c'est un piment fort, assez connu. Lui, il est à 5000 sur l'échelle de Scoville. Ce qui veut dire que si on met 1 millilitre d'extrait d'huile de jalapeno dans 5 litres d'eau sucrée. Ah, okay. Mais là, on ne le goûtera plus à ce moment-là. Il faut diluer 5000 pour ne plus rien sentir. Mais exactement. Ça, ça doit être un petit peu, ça doit dépendre un peu des individus. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes et qu'on fait une moyenne. Là. Exact. Donc, ça dépend évidemment là, de l'individu, de chacun, de sa susceptibilité au goût piquant. Mais évidemment, aujourd'hui, là, on utilise aussi des appareils plus sophistiqués pour mesurer de façon plus rigoureuse. Et alors, selon cette échelle, donc, quels seraient les piments, les pires, là, les plus piquants? Ça monte jusqu'où, c'est, cette échelle? C'est là que ça devient intéressant. Donc, selon le site officiel des records Guinness, le piment le plus piquant, c'est le Carolina Reaper de la compagnie Puckerbutt Pepper. Donc, lui, la force sur l'échelle de Scoville de ce Carolina Reaper-là a été mesurée en 2013 à plus de 1,5 million sur l'échelle de Scoville. Aïe. Je rappelle c'est que le jalapeno, lui, était à 5 000. On était à 1,5 million aussi. Disons que c'est déjà pas très gentil. C'est très piquant. En fait, on peut comparer le Carolina Reaper, le piment le plus piquant de 2013, pardon, à ce qu'on retrouve dans la poivre de Cayenne. Donc, la concentration est similaire, même si, bon, c'est difficile de comparer la chair d'un piment solide au liquide du poivre de Cayenne. Mais c'est extrêmement piquant, là, vraiment. Et est-ce qu'on trouve ça à Québec, là? Ou est-ce qu'on trouve, ou même à Québec, où est-ce qu'on trouve les piments les plus piquants, les sauces les plus piquantes? Est-ce que tu as fait des piments, en fait, à 1,5 million, je ne sais pas s'il en existe à Québec. On en retrouve, en tout cas, des piments très piquants là, dans la plupart des supermarchés, des fruiteries spécialisées. Je sais qu'à la fruiterie 440, on a, entre autres, certaines variétés jamaïcaines. Et pour ce qui est des sauces, et entre autres celles qu'on met sur les ailes piquantes, alors là, j'ai consulté un professeur du département de chimie de l'Université Laval, qui est un spécialiste des piments forts. Ça existe, ça, un spécialiste des piments forts? Disons qu'il aime beaucoup les piments forts. Il a testé la plupart des restaurants de Québec. Et là, le restaurant où on retrouve les ailes piquantes, les plus piquantes, et d'ailleurs, le restaurant s'en vante lui-même, c'est au Blackstone, sur la rue Cartier, anciennement le Turf. Vraiment, là, sont extrêmement piquants. Moi, j'ai même vu des gens les consommer. J'y reviens dans un instant, mais c'est impressionnant. Donc, au Blackstone, vous avez 3 ailes piquantes pour seulement 4,95. C'est pas très cher, avec un verre de lait inclus en plus. Mm-hmm. Donc, tout un deal. Le gérant, j'ai appelé le gérant cette semaine, qui me disait au téléphone que la sauce finale qu'on met sur les ailes est à 375 000 sur l'échelle de Scoville. Ouais. Et ça, là, c'est après une dilution de 10 fois dans une sauce Red Hot Diablo qui, vraiment, là, cette sauce-là, Red Hot Diablo, vient adoucir la sauce originale. Ouais. Donc, lorsqu'on commande cette entrée-là, le gérant nous avertit d'abord de prendre des gants, parce que si on va aux toilettes, ben, on va le regretter amèrement par la suite. Deuxième recommandation, utiliser couteau, fourchette pour aller découper un morceau de poulet et le placer au fond de la gorge pour éviter le contact avec les lèvres. Ah, c'est vrai? Oui. Donc, on évite le piquant sur les lèvres et c'est beaucoup moins pire comme ça. Ensuite, ben, faut manger rapidement, donc la souffrance dure moins longtemps à ce moment-là. Personnellement, moi, j'ai vu des gens en consommer. Et bon, les gens, une des deux personnes se mouchait de façon incontrôlable. Tressaillait littéralement, là, des tremblements complètement incontrôlés. Ah, et puis, cette même personne-là, ben, après avoir mangé son repas complet, est allée retourner son repas à la toilette. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Donc, cela dit, bon, oui, ils sont très piquants, ces ailes-là. Mais il y a 4 ans, il y a un homme qui a réussi à en manger 33 en 7 minutes au Blackstone lors d'un concours. Comme quoi, on n'est pas tous égaux face à la sensibilité à la chaleur, comme on parlait tout à l'heure, Valérie. Ouais, disons que c'est peut-être un peu détruit le système digestif au passage. Oui, probablement, ça n'a pas dû être facile le lendemain. Puis, non, ça ressemble un peu à un défi culinaire, là, plus qu'un plaisir. Et puis, disons que certains auditeurs voulaient aller au Blackstone en fin de semaine pour impressionner leurs amis, est-ce qu'il y a un truc pour apaiser les faits quand même? Ben oui, il y a quelques trucs, hein, mais bon, là, je dois dire tout de suite, il n'existe rien de miraculeux. D'abord, on va tout de suite rejeter ça. L'eau et l'alcool, ça ne marche pas. Ça marche, mais de façon temporaire. D'abord, l'alcool, c'est un exhausteur de goût. Donc, ça aide temporairement à cause de la fraîcheur de l'alcool, mais ça empire par la suite. Alors, pour ce qui est de l'eau, ben la capsaïcine, c'est une molécule qu'on dit hydrophobe. Donc, elle se dissout difficilement dans l'eau. Alors, encore une fois, l'aide est juste temporaire à cause de la température. Le vrai truc, Valérie, je te le donne, c'est d'utiliser un corps gras. Donc, d'ailleurs, au Blackstone, les trois aides piquantes suicides, ils viennent avec un verre de lait. Et dans le lait, ben, il y a des particules de gras qui vont aider à dissoudre la capsaïcine et la déloger de son récepteur. À l'université, on s'est amusé, j'ai proposé un test non scientifique à une demi-douzaine d'étudiants. Et la conclusion de nos tests, eh bien, c'est que pour diminuer la force d'un piment habanero à près de 300 000 sur l'échelle de Scoville, quand même, le meilleur truc, c'est le beurre. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Ben, le mieux, en fait, que j'ai trouvé personnellement, c'est de beurrer littéralement les lèvres et la langue avant de prendre l'aile. Et vraiment, ça aide beaucoup à diminuer la sensation. Bon, évidemment, là, il n'y a rien de miraculeux, je le disais. Sur une échelle arbitraire de douleur de 10, le beurre diminuait que de 2 le piquant. Donc, on passait de 9 à 7, par exemple. Donc, c'est pas un miracle. Mais quand même, s'il faut utiliser tous ces trucs-là, se beurrer la langue, pourquoi ne pas prendre un plat moins épicé, une aile moins épicée, puis avoir le temps de le savourer, puis d'en prendre plaisir? Parce que là, ça ressemble à une torture. Oui, c'est peut-être une meilleure idée aussi d'y aller avec modération, c'est toujours bien meilleur. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Daniel, pour cette chronique bien brûlante. Oui, de rien, Valérie. Puis donc, la semaine prochaine, en fait, on va continuer un peu presque sur le même sujet, parce que Karine Gravel nous parlera du lien entre les piments forts et la virilité masculine. Alors, surtout une chronique à ne pas manquer. Et sur ce, on passe en musique sur les ondes de CKRL au 89.1.